Parce que là, quand même, hein, on est là. Ah ouais. Bonsoir Tenaille. Bonsoir Jack. As-tu vu comme nous ne sommes pas d'avance? Non, j'ai pas vu. Mais si, parce que normalement. Ah, mais c'est parce que t'as une montre, toi, tu te rends compte de ces choses-là? Attends, regarde l'état de ma montre. La catastrophe. Ah la vache. Ça fait. Ah ouais, non, parce que moi j'ai une phobie du retard. Donc j'ai pas de montre. Comme ça, bah, j'ai jamais peur d'être en retard. T'es rarement en retard, t'es même plutôt en avance. Ah oui, par contre, ouais. Ouais, non, j'aime bien. Ouais, non, mais c'est appréciable. Oui, j'imagine, pour les autres. Bah ouais, enfin, sauf quand tu dis aux gens, attends que je te dise de venir. Ah, là, oui, par contre, ouais. Là, ça, c'est le petit point noir. Ouais, c'est vraiment, tu viens des fois en avance, bien en avance. Ouais, mais après, des fois, c'est, ouais, t'as pas eu tes messages. Bah non, ah merde, excuse-moi. C'est vrai, il y a ce problème-là. Tu sais, le message où je te dis, en vrai, aujourd'hui, la flemme, je suis fatigué. Bon, bah maintenant que t'es là. Bon, bah, allez, go. Qu'est-ce que tu dirais de faire une petite capsule? Eh ben, écoute, je crois être là pour ça. Exactement. Et ça me fait plaisir en plus. Ah. Peut-être que pour ce second groupe, t'as dû te demander vraiment où est-ce que je voulais t'emmener. Oh là. Non. Ok. Ok, d'accord. Non, bah non, parce que là, moi, en fait, j'ai totalement confiance. D'accord. Je ne suis jamais déçu. Alors, toi, même quand le groupe ne m'a pas conquis plus que ça, c'est pas pour ça que j'ai été déçu de la découverte. Et j'ai une grande confiance en toi maintenant. Donc toi, c'est vraiment, tu fermes les yeux. Ah oui, je suis là comme ça, je fais, allez Jack, où vas-tu m'emmener cette fois? Bah écoute, avant d'aller vers ce groupe, et je t'expliquerai pourquoi je l'ai choisi, okay. Qu'est-ce que tu dirais de nous faire un petit générique? Allez, c'est parti. Now, today is the first generic of the week. It's a Monday generic. It's the best generic. And now, welcome in the Tuesday generic. Générique. J'avais marqué Monday alors que vu que c'est le deuxième, bah du oui, coup c'est Thursday. Non, c'est Tuesday. Ah oh merde, j'ai dit Thursday, je crois. Non, t'as dit Tuesday. Faudrait que tu le mettes jeudi. Oh putain, il postille. Oh pardon. Oh non, non, le Covid. Merde. Donc Tenaille, j'ai choisi ce second groupe parce qu'en fait c'était, ils ont sorti, enfin ce second groupe plutôt a sorti un album en 2024 qui a énormément cartonné, qui s'est retrouvé dans énormément de titres, enfin de top de fin d'année. D'accord. À tel point que c'était une des rares surprises qui ne soit pas programmée au Hellfest 2025. Ça faisait partie des grands absents. Okay. Tout le monde était là en mode, bah non, bah il devait être là, c'est obligé, tout ça. Ah, j'ai vu, oui, j'ai lu un truc là-dessus. Ouais. Ah, parce que, je suis tombé dessus. Ouais, non, parce que ça faisait vraiment partie des gros absents de cette édition 2025. D'accord, très attendu, quoi. Donc là, évidemment, ils ont pas pu louper le coche, ils les ont invités en 2026. Ok, cool. Parce que c'est un groupe, donc, qui était déjà attendu. Mais le groupe était déjà venu au Hellfest. Ah? Et oui, il était déjà venu en 2022, soit la double édition. Ah là, oui, d'accord. Et donc, okay. Nous, on en avait parlé dans l'épisode 11 de la saison 5. D'ailleurs, quand je fais des recherches comme ça, je vois nos épisodes. Mec, on était des fous, on faisait genre 8 chroniques par épisode. Et tout, enfin. Bah, c'était la double édition, celle que vous en avez bien chié. Ouais, une trentaine d'épisodes. Vous avez même été traumatisé, hein, parce que quand vous en parlez, je sens des réflexes, là. Ah, vous faites une drôle de tête. Ouais. Moi, je vous êtes content, mais vous. C'est le genre de truc. Ah, on est content d'avoir fait, mais pas deux fois, quoi. C'est un peu comme la portée que j'ai eue avec ma chienne. J'étais trop content. Ça s'est fait une fois, mais jamais deux fois. Plus jamais, quoi. Plus jamais. Ouais, je comprends. C'était mignon, tout ça, hein. Ouais. Non, quand t'étais le matin, et que t'as, je sais pas combien de shows, là, qu'il fout tout le bordel, qu'il faut commencer à, enfin, bref. Bon, ça, c'est un autre problème. En tout cas, à ton avis, de quel groupe est-ce qu'on va parler? À mon avis? Oui. Attends. Blood Incantation? Effectivement, on va parler de Blood Incantation. Alors, laisse-moi te dire, Tonight, avec Blood Incantation, on va aller sur un terrain, là vraiment, l'accent qu'on met sur le nom est catastrophique, je trouve. Incantation. Ah? On va avoir sûrement des problèmes avec cette capsule parce qu'on va devoir parler un peu de drogue. Oh non. Ah si. Ah ouais? Oui, parce que tu sais, tu veux que je fasse pip? Non, bah, à chaque fois que tu fais un clin d'œil par contre, sinon ouais, j'ai pas de synchro. Okay, ouais. En tout cas, parce que on va pas se mentir, mais ce groupe en est rempli, je pense. Oh non, ah ça vient de là. Ah bah les trucs un peu planants, piqués, tout ça. Donc Blood Incantation est donc un groupe états-unien qui vient de Denver dans le Colorado. D'accord. De death metal, ouais. Metal progressif, ouais. Metal technique, rock ouais. Psychédélique, ambiante. Beep. Ah non, je croyais que t'avais fait un clin d'œil. Voire de death metal psychédélique. Moi, c'est à ça que je l'ai résumé. En mode, okay. Parce qu'on peut vraiment dire que ça joue sur ces deux tableaux-là. Le death metal, vraiment bien ancré, et qui part dans le psychédélisme, qui va vraiment... Alors, c'est un voyage, quoi. Ouais. Le groupe s'est formé en 2011, et il est composé du guitariste et chanteur Paul Riddle, et du batteur Isaac Falk, du guitariste Maurice Kolontirski, et du bassiste Jeff Barrett. Donc, en fait, j'ai vraiment principalement te parler de ce que j'ai lu et de ce qu'ils ont raconté. Et j'ai envie de te dire que accroche-toi. Ah ouais. C'est tu as voyagé. Okay. Par exemple, interrogé sur les origines du groupe, Paul, il explique à travers une longue histoire qu'il remonte à un voyage de 2009 qu'il a fait au Yucatan, ici dans l'ancienne colonie maya de Coba. Il a eu une vision métaphysique au sommet d'une pyramide. Depuis son point de vue, donc au-dessus de la lisière des arbres, Paul observait la jungle environnante s'étendre et pulser en accéléré comme quelque chose sortir de la planète Terre. Il dit, je cite, « Je regardais tout ce qui allait et venait, différentes civilisations qui montaient et descendaient, et le ciel était une immense mosaïque de galaxies et de rivières. Wow. » C'était dingue. Ce fut une expérience profonde, transcendante, et puis dans le ciel, je ne plaisante pas, j'ai vu le visage de cette vieille femme que je n'avais jamais rencontrée. Je me suis dit, peut-être que c'est ma grand-mère, ou quelque chose comme ça. Je me suis dit que ça devait être ça. Et donc là, jusqu'à ce que... Paul, il rentre chez lui à Salem, à l'époque, il vivait à Salem dans l'Oregon, et qu'il assiste à une conférence de l'auteur Michael Pollan au collège communautaire local, bah, il s'est pas posé plus d'autres questions. Par contre, il a trouvé la femme qui venait du ciel à l'extérieur en train de vendre des livres dehors. Wow. Du coup, il dit, parce que je suis une personne folle, je suis allé directement vers elle et je lui ai dit, hey, je crois qu'on est censé se connaître. Je pense que nos vies ont un lien l'une avec l'autre. Ah ouais, ce qu'elle aurait faire peur comme bah, ce qu'elle aurait pu trouver étrange si elle n'était pas propriétaire d'une librairie locale traitant d'œuvres de mysticisme, de spiritualité et d'occultisme. Ah. Et donc bientôt, elle a proposé un emploi à Paul. Carrément. Et du coup, en bas dans le magasin, se trouvaient des livres qui enrichissaient la bibliothèque occulte de Paul. Et à l'étage, bah, il proposait des espèces de foires psychiques, des ateliers métaphysiques, la guérison Reiki et la projection astrale. Ah oui, guérison Reiki. Ouais, okay. Il faisait tout plein de trucs comme ça. Vraiment à fond dans la spiritualité, quoi. Voilà, à fond. Okay. Et les clients étaient, il dit que les clients étaient comme on pouvait s'y attendre. Et il y en a l'un d'eux qui, dont Paul se souvient avec affection comme l'une des personnes les plus étranges qu'il ait jamais rencontrées. Mm-hmm. Déserteur de la guerre froide, pasteur et voyageur chevronné de l'Inde. Il dit que les conversations avec lui valaient la peine d'être suivies. Donc, il venait, il débitait des diatribes métaphysiques les plus délirantes possibles et je les enregistrais avec un petit magnétophone derrière le comptoir. Et une fois, il a découvert qu'il se faisait enregistrer. Il a pas paniqué. Il a en fait, après, derrière, apporté des centaines de cassettes du Prabhupada, un gars qui a fondé la Société internationale pour la conscience de Krishna. Il dit, j'ai littéralement des centaines de cassettes de cours inédits sur ce genre de choses. D'accord. Je les ai échantillonnés dans des groupes où je m'asseyais simplement à les écouter sur, Okay. Ça. Et bref, il dit que comme c'était un type branché, le patron de Paul lui accordait du temps libre pour partir en tournée avec son groupe de l'époque, qui était Venias, basé au Colorado. Okay. Et le but de cette histoire, il explique, parce que là, je te rappelle qu'on parle des origines du groupe. C'est vrai. J'étais un peu perdu. Et il dit, c'est pendant cette tournée avec ce groupe-là qu'il a rencontré Isaac, qui jouait dans un groupe funéraire, Stoic Dissension, et ils se sont rencontrés là. Et comme par hasard, avec une certaine coïncidence, la boutique a fermé, la boutique de livres. Alors Paul a changé d'état pour former un groupe avec Isaac. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est comme ça qu'est né Blood Incantation. Spiritualité, voilà. Connexion. Mais c'est pas le hasard, c'est sûrement la destinée. Voilà. Et donc, leur premier album qui est sorti en 2016, et il a directement reçu des éloges de la part de lequel? Le Starspawn. D'accord. Le premier. Ouais, Mais d'accord. Mais c'est Starspawn. Ouais, ok. Il a directement eu des très bons retours critiques et tout ça. À noter que ça va peut-être te surprendre, mais les paroles du groupe traitent de l'espace, de la mort, des anciens récits cosmogoniques, des mythes mésopotamiens Anunnaki. Dès le début? Apparemment. D'accord, ouais. Ok. Tu vois, ça m'étonnait pas, mais dès le début, bon, je dis ok, d'accord. Ah ouais, non, non, non. Donc, bah, il n'y a pas eu beaucoup de changements trop dans le groupe, tu vois, parce que donc, Paul et Isaac, ils sont rencontrés, ils ont formé le groupe en 2011. Mm-hmm. En 2012, ils ont récupéré un deuxième guitariste, et en 2015, un bassiste fretless, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de case, tu vois. Ah, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Okay. Et depuis, bah, ça n'a pas bougé. D'accord. Il y a juste quand ils sont en live, il y a un claviériste et qui fait les chœurs. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, ils ont 4 albums. Donc le premier en 2016, le deuxième en 2019, le troisième en 2022 et Absolute Elsewhere en 2024, qui est le fameux album qui a méga, méga, méga cartonné. Ouais. Voilà. À noter qu'en 2019, dans le livret de Hidden History of the Human Race, Blood Incantation a remercié, pardon, une longue liste de groupes, de labels et d'artistes, comme par exemple Jean-Michel Jarre. Ouais. Pourquoi? Au milieu de plein d'autres, hein, mais j'ai dit. Ah, d'accord, oui, d'accord, juste pour leur œuvre, quoi. Voilà. Oui, oui, oui, il n'y a pas eu de cola. Non, non, non, d'accord, mais. D'accord, ok. Je l'ai cité parce que quand même, c'est assez. Bah, rigolo. Ouais, ouais, ouais. Donc, je me suis dit que c'était assez marrant. Ah, ouais, le concert au Mont-Saint-Michel. Ouais. Donc, après, eux, ils disent qu'ils se considèrent comme des types bizarres et mystiques. Ouais. Ils veulent faire de la musique mystique pour des gens mystiques. Ça, c'est, voilà. Il a dit qu'il y a une espèce de, comment dire, il y a une espèce d'acceptation joyeuse de cette folie. Pas partie d'une secte, rassure-moi. Non, non, non. Non, parce qu'à un moment donné. Bah, on peut se poser la question. Il y a un groupe de gens qui s'intéressent à cette musique. Peut-être qu'ils sont venus pour les éléments prog. Peut-être pour le métal. Peut-être qu'ils sont venus pour quelque chose de complètement différent. On a eu des gens qui venaient au concert en disant que c'était leur tout premier concert de métal. Cela a résonné en Paul, car cela s'est traduit en quelque chose de plus universel qu'un simple disque de death. Ouais, okay. Tu vois, ça dépasse le truc. Ouais, il dit, putain, c'est dommage, il y a des mecs qui écoutent, parce que, apparemment, il y a des gens qui écoutent même pas ce style, qui adorent. Mais ça m'étonne pas. Bah, voilà. Mm. Il dit, c'est juste ce que nous sommes. On s'est rencontrés en tant qu'amis parce qu'on aime les psychédéliques, le black metal, la science-fiction, l'ambiance et le prog-rock. Mm. Mm. Comme je dis, on est un peu bizarre. Il dit, comme même à 10h par un matin ensoleillé dans leur ville natale de Denver, on peut vite se laisser happer par la gravité qui entoure Blood Incantation. Paul donne l'impression d'un magicien amical qui n'est toujours pas rentré de Woodstock. C'est l'impression qu'il donne. Bah non, je t'ai dit qu'on allait parler de... Bah, pas tant, finalement. Bah, attends, Ah oui, on y vient. Bah, c'est pour surtout qu'on va parler de... Tut. Merci. J'ai mangé des champignons pour la première fois vers 15 ans. D'accord. Ouais, des cèpes? Des morilles? Je pense. Ah, okay. Nous venons tous de milieux psychédéliques, hippies, proggy, peu importe, très musicaux, très créatifs. Il dit que le père de Jeff avait apparemment l'air d'avoir joué dans le légendaire groupe hippie américain de Allman Brothers. Il avait l'air. Et dont le premier cadeau musical à son fils fut l'épopée prog biblique 666 d'Aphrodite Child. La première fois que Maurice a pris de l'acide, donc c'est un autre membre, c'était avec ses parents pour son bien, apparemment. Lui, Isaac, il a une origine un peu pareille. Il dit, la première fois que j'ai pris des champignons, c'était avec mon père quand j'avais 15 ans. Il faisait du son dans un concert, une espèce de jam hippie total du genre world music. Un gars avec un haut de forme et des vêtements bizarres vient vers moi et me dit, hey, tu veux des champignons, mec? Je me disais, ouais, ça a l'air malade. Mon père a dit, donne-les-moi. Quelques jours plus tard, il a dit, allez, on va les emmener en montagne. Allez, on fait ça. Oui, comme il précise aussi, oui, on est de la super music weed. Ça fait partie de l'ADN de la façon dont nous nous sommes tous rencontrés. Voilà. Mais tous deux insistent sur le fait que c'est pas tout. Parce qu'il explique, en fait, c'est le premier groupe dans lequel je suis où il est possible d'être trop haut. Ah, oui, ah. Il dit, il s'agit de se rassembler pour ressentir quelque chose et pousser son esprit, mais ils ont réalisé qu'ils sont tellement en phase ensemble que l'influence extérieure n'est plus nécessaire. En gros, au début, il y avait de la drogue, et maintenant, il n'y en a même plus besoin tellement ils sont soudés ou reliés entre eux de cette manière-là. D'accord. Alors, ils arrivent à trouver peut-être un peu ce qu'ils pouvaient peut-être chercher tout simplement dans leur création ou dans leur musique. Et par rapport aux auditeurs, il dit que c'est à toi de voir jusqu'où tu veux aller. Ça dépend de toi et ça ne nécessite pas de médicaments. Il dit, tu n'as pas besoin de drogue pour voyager avec notre musique, mais si tu le fais, ça sera encore plus fou. Ça, attention, hein, faut pas suivre tous les conseils qu'on entend. Et ils sont ultra fiers de se dire que leur album et leur musique, c'est vraiment un travail, une collaboration entre eux de quatre musiciens qui sont sur un même pied d'égalité. D'accord, qui partagent leurs idées. D'accord. Voilà. Ouais, donc du coup, ça change un petit peu ce que je voulais en dire à un moment donné. Ouais. Et pour conclure un petit peu. Il dit, je pense que les gens voient qu'on est juste des types bizarres et c'est pour ça qu'on fait de la musique bizarre. Donc si tu es une personne bizarre, tu vas sûrement aimer ça. Et écouter nos sorties chronologiquement révèle une structure narrative très claire. La dimension télescopique de notre progression étant facilement visible. Donc la réponse serait plus, en parlant du groupe, pas d'où vient Blood Incantation avant, mais plutôt vers où iront-ils. Ouais, oui, bah ça, oui, ça s'entend, ouais. Après, je vais terminer juste avec un tout petit point que j'ai trouvé hyper intéressant. Au niveau de leur visuel, je sais pas si t'as remarqué qu'ils avaient des visuels assez, assez recherchés. Ouais. En fait, c'est l'œuvre de peintre, en général. D'accord. Et il y a un des deux peintres qui s'appelle Steve Eyre. Et en fait, pour te donner un exemple de jusqu'où ça pousse le délire, Steve Eyre, c'est un mec qui vit reclus. Il vit dans une toute petite ville où il a vécu toute sa vie, sans ligne téléphonique, sans ordinateur, ni accès Internet. Et il communique que par courrier postal avec sa propre famille, qui vit toujours dans la même petite ville. Et c'est sa sœur qui facilite la majeure partie des informations entre le groupe et elle. Elle est extrêmement serviable et soutenante de nos idées. Et Steve, lui, il a mentionné que sa musique, en particulier Time Wave Zero, et la mixtape contenant des démos instrumentales de pré-production d'Absolute Elsewhere, c'était excellent pour peindre. Donc lui, en fait, la musique l'aide à peindre, et du coup, c'est un entre-deux. Mais c'est un mec qui vit reclus, toi, c'est un truc qui est complètement à l'écart du champ. Bah, ça fait assez futuriste, hein, je trouve. Enfin, moi, je trouve ça assez futuriste, les peintures, pochettes. Donc, voilà. Pour aller un peu rapidement, moi, sur ce que j'en ai pensé, tu sais que je fais pas partie de la team des gens qui ferment les yeux. Ouais. Donc forcément, je vois qu'il me manque il manque quelque chose. D'accord. Je vois que moi, il y a une partie auquel j'ai pas accès aujourd'hui. Ouais. Je vois que même si je peux apprécier, je peux aussi facilement décrocher. Ok. Je me rends compte de ça. Il y a plein de trucs que j'aime bien, mais en fait, sur une longueur, on va dire, d'album, je peux trébucher quelques fois. Ouais, ça, en même temps, je pense que c'est la musique qui, enfin, c'est le style qui se prête à ça aussi. Il faut être dans une. Ouais, mais là, on est quand même plus sur un death progressif. Donc, il y a la partie. En fait, la partie death me rattrape. Et puis de temps en temps, je vois dire, oh là, il y a un pétard qui a été allumé, et c'est parti. Et là, moi, ça peut me perdre un peu. Je trouve ça, en fait, par contre, je reconnais que c'est extrêmement intéressant tout ce qu'il propose, mais ça peut me laisser un petit peu de côté de temps en temps. Ouais. Mais ça, c'est pour mon avis. Ouais. Et sache que de mémoire, faut que je vérifie, mais j'ai un gros doute. Mais je crois pas que j'avais été les voir en 2022. J'ai un doute. Et pourtant, j'ai un vieux souvenir, genre, d'un dossier photo où j'aurais pu prendre des photos. Super. N'en parlons pas. T'as fermé les yeux ou quoi? Pour prendre des photos, par contre, c'est moyen. Donc, toi, Tonai, c'était une véritable découverte pour toi? Alors, j'ai déjà vu de nom. Oui. Jamais écouté, vraiment. Ok. Donc, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et, ça a été progressif. Ah bah ça tombe bien. Ouais, c'est marrant. Et ça a été psychédélique. Ouais, c'est arrivé, ouais. Ah, ça bah a arrivé. J'ai bien senti ce côté bizarre là, et je pense que c'est ça qui a fait que vraiment je me suis amené vers un. En fait, si tu veux. Ouais. Les premiers albums, j'ai eu du mal vraiment. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça que tu vois quand t'as parlé à un moment donné de que c'était une espèce de comment dire de musique qui parle de trucs un peu. Spatial, ouais, espace, ouais. Machin. Les premiers albums, moi, j'aurais plutôt tendance à croire que c'était plus préhistorique, tu vois, dans cette ambiance-là, tu vois. Okay. Ça venait. C'était. J'ai bien aimé, je trouvais ça intéressant, mais je suis pas totalement rentré dedans dans les premiers. Par contre, quand on est arrivé sur. Celui juste avant Time Wear Zero, là, ça commençait Time Wear Zero, c'est le quatrième. Ouais, donc. 1, 2, ouais, c'est ça, celui de juste avant. Bah, juste avant, c'est le deuxième, donc. Et t'as dit dans les premiers albums, t'as eu un peu. Ah, c'est ça. Donc, c'est Time Wave Zero. C'est lui vraiment. Alors, tu vois, je pensais justement, je m'étais dit, celui-là, il a dû diviser celui-là. Parce que je sais pas si tu l'as bien écouté, enfin, c'est vraiment juste ambiant, hein. Et puis, dans celui-là, enfin, il y a plus de death vraiment. C'est de l'ambiance, quoi. Oui, c'est que de la musique, quoi, quasiment, ouais. Et, je l'ai trouvé intéressant, mais du coup, ça m'a un petit peu perturbé, comparé aux premiers albums, je fais, waouh, là, ils font un virage ou quoi, et là, il y a le dernier album qui arrive, et là, j'ai l'impression vraiment que... Comme si tout faisait sens. Ouais, carrément. Ouais. C'est vraiment l'impression que ça m'a donné à l'écoute. Et, ça a pris du temps. Tu vois, j'ai essayé de comprendre un petit peu, de ressentir, surtout, hein, et ça a fini par devenir une vraie claque, en fait, ce dernier album. Vraiment. Bah, donc, tu comprends pourquoi il a fini dans plein de top 10, alors? Eh ben, maintenant que tu me le dis, oui, sans problème. Et en plus, ça m'a pas étonné du tout ce que tu m'as dit, que pas forcément des gens qui étaient dans le métal. Ah. Parce que c'est vrai, c'est à part, c'est vraiment... c'est un peu unique encore, c'est un de ces groupes... Dernier album, vraiment, grosse claque. Et vraiment... maintenant que tu me le dis, peut-être j'irai rejeter une oreille pour voir un peu cette évolution justement avec tout ce que tu viens de me donner comme élément pour comprendre un petit peu tout ça. Mais c'était particulier quand même à l'écoute. Hein. C'était. Mais par contre la voix, la voix là qui vient, je sais pas, du fin fond d'une caverne un peu lourde. Ouais. J'ai trouvé la voix, j'ai toujours kiffé par contre. T'as toujours kiffé. Ouais, j'ai toujours kiffé. Ça a donné un, ça a donné vraiment une ambiance quoi. Ça a marqué vraiment une ambiance. J'ai bien aimé la voix. Et mais ouais ouais donc non mais c'est. Non, je te dis, le dernier album m'a bien mis une claque. Mais du coup, je sais pas trop. Je suis un peu perdu quand je même. Je te rappelle, tête d'affiche de Altar. Ah ouais, mais en même temps, le si gros tu concert. Dis que ah bah, si tu dis que ils étaient ultra attendus, ils ont été annulés, là ils sont. Non, ils ont pas été annulés, ils ont pas été. C'est pas annulé. Ça a été déprogrammé. Pour non, non, non, c'est pas ça. Ils étaient attendus dans le sens, on était persuadé qu'ils allaient y être. Juste, ah non, ils n'étaient pas été programmés. Voilà, du ils ont tout. Pas été programmés. Ah, moi j'avais compris non, que non, c'était non. Un peu une annulation dernière minute. Ah bah ou alors ça devait être une annulation de avant de donner l'affiche. Voilà, peut-être. Oui, mais t'as raison. Il y a peut-être un truc comme ça. Il y a peut-être un truc genre on a essayé de les avoir, mais on n'a pas réussi. Peut-être. Peut-être. Bon, en tout cas. Voilà. Mais ouais, j'avais lu qu'ils étaient très attendus et donc là pour le coup, ouais, ils risquent. Ah bah il y a du monde là. Ah ouais, ouais. Mais en tout cas, moi pour ma part, il y a de grandes chances que je sois devant parce que parce que je pense que je vais kiffer hein, c'est clair et net hein. Après je suis pas persuadé qu'ils jouent forcément une playlist par exemple que du dernier album parce que franchement si tu mixes un peu genre le Time Wave Zero avec le dernier. Même avec ceux d'avant, maintenant, avec ce que tu viens de me dire, je pense qu'il y a moyen de créer des cohérences sans problème, c'est clair. Je pense qu'effectivement, il y a moyen de créer des cohérences. Ouais. Même si, vraiment, les derniers, j'ai beaucoup plus ressenti cette ambiance un peu spatiale, aérienne et tout. J'ai bien kiffé, quoi. Après, j'ai pas trop capté. En fait, t'as vu, non, Absolute Elsewhere, t'as Target. Oui, en fait, t'as trois morceaux. T'as Message. Ouais, c'est Stargate, 1, 2, 3. 1, 2, 3, Message, 1, 2, 3. Ouais. Et j'ai pas trop capté. À un moment donné, je pensais que Stargate et Message, vu que c'était tous les deux 1, je pense qu'ils étaient connectés ou on savait rien. Donc, à un moment donné, dans la playlist, j'ai même écouté dans Target, Message après. Mais en fait, non, je pense en fait, c'est deux morceaux. Scindé en trois. Ouais. C'est ça, en fait, ce que j'ai cru comprendre. Bah oui, en tout cas, c'est un truc dans cet esprit-là. Mais, il s'écoute. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais il s'écoute. Moi, j'ai s'écoute mais super bien le dernier. Bah, vraiment, comme je te le dis, j'ai un peu tendance à décrocher. Ouais. Ouais, non, moi, au contraire, j'étais vraiment. Il m'a vraiment conquis ce dernier album. C'est et vraiment lui qui m'a encore plus poussé à aller m'intéresser en... et du coup tirer ah ouais sans problème je pense ouais Blood Incantation une bonne claque pour le coup à retardement s'il y a rien en face je pourrais t'accompagner ouais et pourquoi pas passer un très bon moment avec toi écoute mais pour l'instant je ne sais pas encore pour ma part après ça se peut que je te perde parce que si je ferme les yeux et admettons que toi tu te casses tu le sauras pas tant pis. Ça c'est la vie. En tout cas, je suis très content que ça t'a fait plaisir. Non, vraiment bonne découverte. Excellent. Bah, on se retrouve bientôt. Eh ben, à très vite, mon Jack. Ça me fait très plaisir. Allez, c'était la bise. Très cool. Allez. À la prochaine, Tonaille. Tchuss.